Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 89. Du jurement ou serment. Qu'est-ce que le jurement ou serment? Sollicité. Trois conditions requises. Il est un acte de religion dont on ne doit cependant pas faire un usage fréquent. Du jurement par les créatures. Obligation imposée par le serment, de la dispense du serment, si le serment est empêché par certaines conditions de personne et de temps. Note. Jurement ou serment sont deux mots synonymes. Quoique le mot serment soit plus usité à notre époque, nous avons conservé dans cette question le terme jurement, juramentum, parce que saint Thomas ne s'en départ point une seule fois. 1. Jurer, est-ce prendre Dieu à témoin? Veut-on, dans les sciences, confirmer une vérité? On a recours à des démonstrations basées sur des principes évidents. A-t-on besoin d'établir la certitude d'une action particulière, d'un fait contingent? On se sert du témoignage des hommes. Et lorsque les hommes, sujets à mentir et à se tromper, ne donnent pas une garantie suffisante, comme il arrive toujours quand il s'agit de savoir leurs pensées sur l'avenir ou sur les choses éloignées qu'il importe cependant de connaître avec quelque certitude, on invoque par le serment le témoignage de Dieu, qui ne peut pas mentir et qui sait tout. Prendre Dieu à témoin pour donner une plus grande assurance de son assertion, c'est ce qui s'appelle jurer. Le jurement est affirmatif ou promissoire, affirmatif, quand on invoque le témoignage divin pour certifier une chose présente ou passée, promissoire, dès qu'il a pour but de confirmer une chose future. Note. Il y a deux manières de jurer. Dans l'une, on invoque simplement le témoignage de Dieu, en disant, par exemple, Dieu m'en est témoin, je parle devant Dieu, par Dieu. Dans l'autre, on joint l'imprécation au jurement, en appelant sur soi un châtiment, si ce que l'on dit n'est pas vrai. Fin de la note. 2. Est-il permis de jurer? Le jurement est de soi une action licite et honnête, il procède de la foi en un Dieu infaillible, qui gouverne toutes choses par sa science et sa providence, il a pour but de mettre un terme aux différends qui s'élèvent parmi les hommes. Observons, toutefois, que ce qui est bon de soi peut devenir nuisible à celui qui n'en use pas comme il faut. Il est bon en soi, par exemple, de recevoir l'Eucharistie, mais, cependant, celui qui la reçoit indignement mange et boit sa propre condamnation. C'est ce qui a lieu pour le jurement. Il nuit à l'homme qui en use sans discrétion. N'est-ce pas avoir peu de respect pour Dieu que de l'appeler en témoignage au sujet d'une chose légère? On n'oserait pas traiter ainsi un homme honorable, et on s'expose au danger de commettre le parjure. Voilà pourquoi, bien qu'il soit permis de jurer, le sage nous donne cet avis, que, votre bouche ne s'accoutume pas au jurement, les chutes y sont fréquentes. Note. Nous pouvons concilier maintenant ces paroles, vous craindrez le Seigneur et vous jurerez par son nom, Deutéronome 6, 13, avec ces autres, ne jurez point, ne jurez en aucune façon. Matthieu 5, 34. Ne jurez point, reprend saint Augustin, de peur que vous n'arriviez à la facilité de jurer, de la facilité à l'habitude et de l'habitude au parjure. Fin de la note. 3. Le jurement exige-t-il trois conditions, le jugement, la vérité et la justice? Vous jurerez, dit le prophète Jérémie, avec vérité, avec jugement et avec justice. Jérémie 4, 2. Nous l'avons dit, Puisque le serment n'est utile que par le bon usage que l'on en fait, on ne doit jurer qu'avec discrétion et par nécessité, le jugement, en un mot, doit présider à nos jurements. Il faut, en outre, ne rien affirmer qui ne soit vrai et licite. Le serment est-il dépourvu de jugement? Il est téméraire. Manque-t-il de vérité? Il est faux. Pêche-t-il du côté de la justice? Il est inique ou illicite. Note. Les théologiens enseignent communément que le jurement sans nécessité est un péché véniel, et que le jurement contre la vérité ou contre la justice est un péché mortel. Fin de la note. 4. Le jurement est-il un acte de la religion? Il est écrit, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul, et tu jureras par son nom. » Deutéronome 6:13. Jurer, c'est invoquer le témoignage divin en confirmation de ce que l'on dit. Une vérité ne pouvant être confirmée que par une autre plus certaine et plus élevée, celui qui jure confesse non seulement que Dieu est son supérieur, mais que sa vérité est indéfectible et sa connaissance universelle, dès lors il lui rend hommage. C'est ce qui fait dire à l'apôtre, les hommes jurent par un être plus grand qu'eux, Hébreux 6:16. Saint Jérôme ajoute, celui qui jure, vénère ou aime celui par lequel il jure. Le philosophe lui-même observait que le serment est une très grande marque d'honneur. Or il appartient à la religion d'honorer Dieu, donc le serment est un acte de la religion. Note. Tout en se proposant de convaincre l'homme par le serment, nous pouvons rendre à Dieu un hommage de vénération. Dieu lui-même agit tout à la fois pour sa gloire et pour notre utilité. Fin de la note. 5. Doit-on désirer le jurement et l'employer fréquemment comme une chose bonne et utile? Celui qui jure souvent, dit le sage, sera rempli d'iniquité. Ecclésiastique 33:12. Ce qui n'est recherché que pour remédier à une infirmité se range parmi les choses nécessaires, mais non parmi les biens désirables par eux-mêmes. Les médecines en sont un exemple. Ce principe s'applique au jurement, que l'on emploie pour subvenir à la faiblesse des hommes, qui se défient les uns des autres. Il faut le placer, non pas parmi les biens désirables, mais dans la classe des choses nécessaires à la vie de ce monde, et dont on use mal toutes les fois que l'on y a recours sans nécessité. C'était sur ce fondement que saint Augustin disait, « Quiconque comprend que le serment ne doit pas être rangé parmi les biens, mais parmi les choses nécessaires, s'en éloignera autant que possible, et ne le prêtera que dans la nécessité. » Note. Les remèdes très utiles pour guérir font d'autant plus de mal qu'ils ont plus de vertu, quand on les prend à contre-temps. Plus le serment est utile pour confirmer une assertion, plus il est dangereux quand on l'emploie mal à propos. Fin de la note. 6. Est-il permis de jurer par les créatures? Joseph jura par le salut de Pharaon, Genèse 42:15, et l'on a coutume, dans l'Église, de jurer par l'Évangile, par les reliques et par les saints. Il est donc permis de jurer par les créatures. En effet, dans tous les serments, soit affirmatifs, soit imprécatoires, l'invocation repose toujours primordialement sur la vérité divine, et elle ne se rapporte que secondairement aux créatures qui en reflètent les rayons. Nous invoquons le témoignage de Dieu même dans les créatures que nous interpellons, car nous attestons, non pas leur propre déposition, mais la vérité divine manifestée en elle. Ainsi, dans le serment affirmatif, nous jurons par l'Évangile. c'est-à-dire par Dieu dont la vérité est manifestée dans l'Évangile, et par les saints qui ont cru et gardé cette vérité. Le serment imprécatoire, en faisant intervenir une créature, la dévoue au jugement divin, et c'est de la sorte que l'homme jure par sa tête, par son fils ou par toute autre chose qui lui est chère. Saint Paul, dans ses écrits, a juré par son âme, et Joseph, anciennement, jura par le salut de Pharaon. Note. Il n'est pas permis de jurer par les créatures, dira quelqu'un, car on lit dans l'Évangile, « Moi je vous dis de ne jurer en aucune façon, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, ni par votre tête. » Matthieu 5, 34. Jésus-Christ a défendu de jurer par les créatures, pour empêcher de leur rendre les honneurs divins. Aussi Saint Jérôme, après avoir dit, « Remarquez que le Seigneur ne défend pas de jurer par Dieu, mais par le ciel, par la terre, etc. » ajoute aussitôt, « Les Juifs qui juraient par les créatures leur rendaient l'honneur dû à Dieu seul, ce qui était un blasphème et une infidélité. Or, de la manière que nous avons indiqué, on ne leur rend pas l'honneur divin en les faisant intervenir dans le serment. » Fin de la note. 7. Le jurement oblige-t-il la conscience? Jésus-Christ a dit, « Vous vous acquitterez de vos serments envers le Seigneur. » Matthieu 5, 33. Le serment affirmatif et le serment promissoire sont l'un et l'autre obligatoires, bien qu'ils appliquent l'obligation différemment. Le premier commande de dire la vérité sur le passé, tandis que le second, relatif à l'avenir, prescrit de rendre vrai ce que l'on a juré, sans quoi il manquerait de vérité. Toutefois, si la chose jurée n'est pas au pouvoir de celui qui la promet, le serment, faute du jugement requis, ne lie pas la conscience. Dans le cas où la réalisation devient impossible par un événement postérieur, on n'est pas tenu d'accomplir son serment, on doit faire seulement ce que l'on peut. Quand l'action, toute possible qu'elle soit, ne doit pas être faite, soit parce qu'elle est mauvaise en elle-même, soit parce qu'elle empêche un plus grand bien, le serment manque de justice, et alors il ne faut pas l'observer. À raison de sa mauvaise issue. Il suit de ces principes que quiconque jure de faire une action est obligé de l'accomplir pour la vérité de son serment, à moins qu'il n'ait juré sans jugement ou que cette action ne blesse la justice. Note. Celui qui jure de commettre le mal péché en faisant ce serment et en l'accomplissant. Celui qui jure de ne point faire un plus grand bien auquel il n'est pas obligé, pèche en opposant un obstacle à l'Esprit Saint dont viennent les bonnes résolutions, mais il ne pèche pas en accomplissant son serment, bien qu'il soit meilleur de ne pas l'observer. Lorsque le serment a été extorqué par la contrainte, il oblige dans le fort de la conscience, à cause du respect dû à Dieu, mais, après l'avoir accompli, on peut porter plainte à la justice humaine, eût-on juré de ne pas y recourir, car ce dernier serment, contraire à la justice publique, n'est pas obligatoire. On peut aussi demander à être délié de son serment. Quant au serment frauduleux, il doit être observé selon le sens légitime qui a donné celui qui l'a reçu. Vainement un homme s'entoure des artifices du langage, dit Saint Isidore, Dieu, qui voit la conscience, entend la promesse jurée comme la comprend celui à qui elle est faite. Le fourbe est coupable devant Dieu, dont il profane le nom, et vis-à-vis du prochain qu'il veut tromper. En dehors de la mauvaise foi, l'obligation du serment suit l'intention de celui qui le fait. Fin de la note. 8. L'obligation du jurement est-elle plus grande que celle du vœu? L'obligation du vœu résulte de la fidélité due à Dieu, laquelle prescrit d'accomplir la promesse qu'on lui a faite. L'obligation du serment provient du respect qui lui est dû aussi, lequel commande de réaliser ce que l'on a promis par son nom. Or toute infidélité implique irrévérence, mais non réciproquement, car, de toutes les irrévérences, la plus grande est l'infidélité d'un sujet à l'égard de son maître. On voit que le vœu est en soi plus obligatoire que le serment. 9. Peut-on dispenser du serment? Le vœu est plus obligatoire que le serment, or on en peut être relevé, donc le serment admet aussi la dispense. Une chose qui, considérée en elle-même ou sous un point de vue général, est honnête et utile, peut, dans une circonstance particulière, devenir illicite ou nuisible, et cesser par cela même d'être obligatoire. C'est ce qui explique la nécessité des dispenses. Il en est ainsi pour le serment. Dès que les choses jurées deviennent inconvenantes ou nuisibles, elles répugnent aux conditions exigées. Sont-elles illicites? Elles blessent la justice. Sont-elles nuisibles? Elles froissent le jugement. On peut dès lors dispenser du serment, aussi bien que des lois et des vœux. Note. Le serment qui répugne manifestement à la justice, soit parce qu'il implique un péché, comme dans celui qui jure de commettre un homicide, soit parce qu'il empêche un plus grand bien, comme quand on a juré de ne point entrer en religion, n'a pas besoin de dispense. Dans le premier cas, il ne doit pas être observé, dans le second, on est libre de l'observer ou de ne pas l'observer. Lorsqu'il est douteux que l'objet du serment promissoire soit licite, utile ou nuisible, tout évêque peut en dispenser. A-t-on promis une chose manifestement licite et utile? Dans ce cas, le serment ne doit recevoir ni dispense ni commutation, à moins qu'il ne se présente une chose plus profitable au bien général, ce dont le souverain pontife est juge. Tout supérieur peut résilier le serment fait par ses subordonnés dans les matières qui relèvent de son autorité. Le père peut annuler le serment de sa fille, et le mari celui de sa femme. Fin de la note. 10. La condition des personnes ou les circonstances de temps peuvent-elles s'opposer au serment? D'après le droit canon, le prêtre, au lieu de prêter serment, doit être interrogé au nom de sa consécration. Le serment méritant le plus grand respect à cause de Dieu, on ne l'impose point à deux sortes de personnes, aux enfants avant l'âge de puberté, ni aux parjures. Aux enfants, parce que, n'ayant pas encore le parfait usage de la raison, ils ne le feraient pas avec le respect convenable, aux parjures, parce que leurs antécédents autorisent à croire qu'ils ne jureraient pas religieusement. On ne doit pas non plus l'imposer aux personnes très élevées en dignité, car ce serait manquer de respect à leur caractère que de révoquer en doute ce qu'elles avancent. Les prêtres, dit le droit canon, ne doivent pas prêter serment pour une cause légère. Ils le peuvent, cependant, dans la nécessité ou pour une grande utilité, surtout dans les affaires spirituelles. Pendant les solennités consacrées au culte divin, on peut jurer pour des choses spirituelles, mais, à moins d'une grande nécessité, on ne doit pas prêter serment pour des choses temporelles. Note. Il est des personnes incapables, par faiblesse et par défaut, de confirmer leur parole, il en est d'autres dont la parole doit être aussi certaine qu'elle n'ait pas besoin de confirmation. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR, Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.